durablement vôtre pour un monde viable, vivable et vivant. Aujourd'hui, nous évoquerons les super pouvoirs des héros de bandes dessinées et de films. Le rapport avec le développement durable ? C'est qu'ils les ont probablement copiés sur les super pouvoirs des plantes. Nous sommes au jardin botanique Jean-Marie Pelt à Villers-les-Nancy avec la médiatrice et le responsable du département des publics, co-concepteur d'une étonnante exposition sur les pouvoirs extraordinaires des plantes qui s'y tient jusqu'au 22 mars 2020. Durablement vôtre, à réécouter sur durablementvôtre.fr. Cécile Bourg, Rémi Sachs, bonjour. Bonjour. Rémi Sachs, quelle drôle d'idée, une exposition super-héros et super-plantes, ce parallèle entre les super-héros des bandes dessinées et les plantes. Il y a donc un parallèle à faire ? Alors, effectivement, drôle d'idée, mais c'est peut-être plus logique que ce que l'on pense. Mais encore, et en quoi ? En quoi, c'est que tous ces super-pouvoirs qu'on évoque régulièrement sur les super-héros, en réalité, ils ont peut-être été épuisés dans la nature, et tous les végétaux qui nous entourent, ben, ils sont riches de tous ces super-pouvoirs. Alors on va bien sûr visiter ici cette exposition au Jardin botanique Jean-Marie Pelt avec vous, Rémi Sachs et Cécile Bourg. Mais j'aimerais qu'on commence par, j'ai envie de dire, planter le décor. Ces super-pouvoirs, c'est quoi ? Tous les super-pouvoirs des végétaux, en réalité, c'est une façon pour eux de pouvoir exister dans toute cette nature avec la concurrence entre tous les végétaux pour se démarquer, pour exister, pour survivre. Toutes ces plantes ont dû mettre en place des stratégies, soit aussi pour être pollinisées, pour éviter d'être mangées, pour se protéger, pour pouvoir exister et rester vivante au milieu de tous les végétaux qui existent. Pour l'instant, si je comprends bien, on n'en saura pas plus. Il va falloir visiter cette exposition avec vous. Est-ce que ça veut dire aussi, Rémi Sachs, qu'il faut aujourd'hui, pour une institution comme Jardin Botanique, inventer ces parallèles entre les super-héros des bandes dessinées, des super-héros de science-fiction, et des plantes pour amener les enfants, notamment les enfants, parce que c'est une expo qui s'adresse aussi d'abord aux enfants, à s'intéresser à la botanique, à s'intéresser aux plantes. Ça veut dire que les créations humaines intéressent plus que les créations naturelles. Il est évident que sur une expo comme celle-ci, on surfe un petit peu sur la mode. On sait bien que les enfants sont quand même attirés par les choses qui brillent, tout ce qui est un peu hyper spectaculaire, voire surnaturel. Ils ont peut-être du mal à voir directement les richesses de la nature et peut-être les amener via ces super-héros, à découvrir qu'autour d'eux, s'ils se penchent un peu, ils peuvent apercevoir dans leur jardin, par leurs fenêtres, tous ces super-pouvoirs qui sont quand même là tout près. Ça veut donc dire qu'en réalité, on est, comme vous le dites à l'instant, Rémi Sachs, on est entouré finalement de choses absolument extraordinaires, mais qui ne sont peut-être à ce point qu'on ne s'en rend même plus compte et qu'il faut le regard de la BD pour revisiter en fait ces merveilles, on peut le dire comme ça. Oui, souvent, les super-pouvoirs à travers la BD, les films, ils sont mis en avant, ils sont voire exagérés. Forcément, quand vous vous promenez dans une prairie, bah, tout ça vous saute pas aux yeux. Une graine de pissenlit qui va s'envoler sur des kilomètres et des kilomètres, ça nous paraît tellement banal. Mais c'est quand même un exploit qui est réalisé par cette petite graine si légère et qui va profiter de la force du vent. Donc, La beauté d'une fleur qui est capable d'attirer un insecte pour être pollinisée, pour nous, c'est d'une banalité redoutable. Si on reste sur le pissenlit, cette multitude, ce bouquet de fleurs hein, qui est la fleur du pissenlit, c'est une stratégie du végétal et pour nous, bah, c'est jamais qu'un pissenlit. Comment vous expliquez d'ailleurs, Rémi Sachs, cette forme de banalisation ? Parce qu'à l'instant, vous parliez aussi de science-fiction. On a le sentiment aujourd'hui que les personnages de science-fiction sont des personnages récents. Or, ici, dans cette exposition au Jardin botanique Jean-Marie Pelt, on s'aperçoit que non, ils sont même plutôt anciens. Bah, les premiers, oui. Hein, Batman, il a 80 ans. Et oui. Ça commence à être respectable. Il ne les fait pas. Non, il ne les fait pas. Je pense qu'en réalité, pour pouvoir découvrir tous ces super pouvoirs de la nature, il faut être capable de s'y arrêter. Et il faut être capable aussi qu'à un certain moment, quelqu'un vous mette le doigt dessus, vous montre, que vous, vous preniez le temps de regarder et de se dire « Mais comment ça se fait que ça se passe comme ça ?» Et je pense qu'une des missions d'un jardin botanique, c'est de montrer toutes ces relations entre les plantes et les animaux, montrer les super pouvoirs donc, des plantes ou simplement ce qu'elles font au quotidien, mais qui est quand même assez extraordinaire. Et puis, bah voilà, s'il faut se servir d'un vecteur que les super-héros, bah pourquoi pas. Un jardin botanique, c'est aussi un lieu où on s'amuse, on prend du plaisir. Et apprendre en prenant à travers des super-héros, bah, ça devient très agréable, assez fun. Et nous, ça nous plaît bien. Et puis un peu en décalage quand même, parce que là, on est assis dans une des salles que vous allez nous présenter tout à l'heure, Cécile Bourg, dans une des salles avec bah justement, tiens, des BD, alors on ne va pas les citer, mais assez inattendu quand même d'avoir un petit salon comme ça de lecture de BD dans un jardin botanique. Rémi Sax, vous parlez de super pouvoirs des plantes, ça veut dire que les plantes, pour pouvoir développer ces super pouvoirs, j'imagine qu'elles sont en interrelation forcément avec leur milieu, avec les autres plantes, avec leurs prédateurs. Comment elles font ? Est-ce qu'on peut parler d'intelligence des plantes ? On n'en est vraiment pas loin. Hein. C'est toujours un petit peu ce dilemme entre savoir intelligence, coévolution. On parle beaucoup de coévolution. Ça va être beaucoup des sujets qu'on va développer cette année, en 2020, au Jardin botanique. Et toute cette... effectivement... intelligence des plantes, à savoir s'adapter aux animaux qui vivent autour d'elles et aux autres végétaux. Et effectivement, ça reste souvent encore un mystère de savoir un petit peu comment tout ça s'organise, qui évolue le premier, est-ce que c'est l'animal, est-ce que c'est la plante. Mais en réalité, tout le monde vit ensemble et ils sont bien obligés de coévoluer pour pouvoir résister à tous les prédateurs, les évolutions de climat, hein, on en parle beaucoup en ce moment. Et tout ça, bah, la plante, elle doit évoluer. Ça prend du temps, hein, c'est pas toujours rapide, mais c'est quand même assez extraordinaire. Qu'est-ce que l'on peut dire aujourd'hui de ce savoir que l'on a et que vous avez, Rémi Sax, au Jardin botanique et à travers vous, tous les botanistes du monde, qu'est-ce qui résulte de ce savoir-là ? On parle aussi aujourd'hui de biomimétisme. Alors, je pense que tout ce qui en résulte, c'est qu'on ne sait encore pas grand-chose. C'est peut-être la meilleure leçon que l'on peut en tirer. C'est-à-dire qu'il y a eu beaucoup d'avancées. On a eu beaucoup de livres ces dernières années sur les relations des arbres dans les forêts. Là, on a eu des véritables révélations. On a aussi une plante que l'on présente qui est le Mimosa pudica, où on s'aperçoit que c'est une plante qui a de la mémoire. C'est-à-dire que si on la fait tomber, c'est une plante qui va se refermer. Mimosa, c'est la plante sensitive. Et si on lui fait faire cette action 3-4 fois, bah, la cinquième fois, elle ne se ferme plus. Donc on pourrait dire qu'elle a de la mémoire. Elle est capable de savoir que là, il n'y a plus de danger. Donc tout ça, on arrive par des expériences à le découvrir, à le mentionner. Est-ce qu'on est encore capable de l'exprimer et de l'expliquer ? Je ne pense pas. Je pense qu'on doit encore faire beaucoup de travail autour de tout ça et peut-être dépasser ce que nous, on connaît comme nos propres petits réflexes, notre intelligence, notre sensation. Je pense que les végétaux, ils vont beaucoup plus loin que nous. Et alors, si on savait, vous qui anticipez déjà, on est ici dans une exposition qui fait référence aussi à la science-fiction, quand on saura, Rémi Sax, qu'est-ce qui va changer dans notre rapport au monde ? Ah, mais je pense qu'on va regarder les végétaux d'une autre façon. Je crois que les végétaux actuellement sont un peu, entre guillemets, les plus maltraités. On peut les tailler, on peut les arracher. Qui pense qu'ils souffrent ou qu'ils ils peuvent crier leur douleur ? On ne l'entend pas encore dans les jardins. Mais si on le sait, tout ça, effectivement, ça pourrait peut-être nous donner un autre mode de fonctionnement, un autre respect. Et peut-être une autre gestion de la nature où on maîtrisera peut-être moins les choses, on pensera moins maîtriser les choses et on laissera plus faire des harmonies, des associations de végétaux pour qu'elles poussent en pleine tranquillité. Vous n'avez pas le sentiment, Rémi Sax, que ce discours-là est lui-même un discours de science-fiction ? Oui, mais là, on est, là, on rêve. Là, on peut se le permettre. Et puis, quand on voit toutes les avancées qui existent autour des végétaux, peut-être qu'on n'en est pas loin. Ils ont certainement plus de capacités que nous, êtres humains. Cette expo au Jardin botanique, Jean-Marie Pelt, super héros, super plante, jusqu'au 22 mars, elle a donc démarré depuis un moment déjà. Comment ça marche ? Oh bah ça marche bien, on est content d'accueillir notamment beaucoup de scolaires, ce qui est toujours un petit peu agréable, et puis les week-ends, on est content d'accueillir plein de monde. Ouais. Durablement vôtre, Eric Mutchler. Je me souviens, on avait des projets pour la terre, pour les hommes comme la nature. Faire tomber les barrières, les murs, les vieux parapets d'Arthur. Fallait voir, imagine notre espoir. On laissait nos cœurs au pouvoir des fleurs jasmin, lila. C'était nos divisions, nos soldats. Pour changer tout ça, changer le monde, changer les choses avec des bouquets de roses, changer les femmes, changer les hommes avec des géraniums. Je me souviens, on avait des chansons, des paroles comme des pétales et des corolles qui coûtaient. Ce n'est que partie remise par les couleurs, les accords, les parfums. Changer le vieux monde pour faire un jardin. Tu verras le pouvoir des fleurs. Y a une idée partant dans mon air. Changer les âmes, changer les cœurs avec des bouquets de fleurs. La guerre au vent. Nous sommes toujours avec Rémi Sax, responsable du département des publics, et Cécile Bourg, médiatrice au Jardin botanique Jean-Marie Pelt, ici à Nancy, pour une expo intitulée « Super-héros et super-plantes ». C'est jusqu'au 22 mars 2020. Une expo assez singulière, il faut dire, qui fait le parallèle entre la science-fiction, les personnages de science-fiction et les pouvoirs peut-être bien supérieurs encore du monde végétal. Cécile Bourg, on est ici dans la première salle où je vois quatre tours. Oui, donc cette première salle avec les tours est là pour recréer un décor urbain dans lequel les super-héros que l'on connaît évoluent de façon préférentielle. Oui, parce que les super-héros, ils sont pas trop dans la campagne. Hein. Non, mis à part la jeunesse de Superman ou Super Dupont, c'est vrai Super que... Super Dupont de Gottlieb, je vois que nous avons les mêmes références. on a surtout des super-héros qui sont urbains et donc qui adorent les gratte-ciels comme Spider-Man qui nous accueille à l'exposition. Donc là, ce sont plusieurs tours qui sont reprises d'après les graphismes de tours emblématiques de la ville de Nancy. Donc pour rappeler qu'on est dans la métropole du Grand Nancy. Et des super-héros à Nancy. Et oui, il y a des super-héros. Qui l'a cru. Et donc sur chacune des faces de ces tours, on retrouve des informations sur les super-héros que l'on a décrits. Alors, on va prendre celle-là, Cécile Bourg, si vous voulez bien. Donc là, on est devant une tour représentée avec un tableau. Avec un tableau, oui. Donc là, on est devant un dessin de Batman qui a été fait par Manuard, un dessinateur d'origine vosgienne qui a été recruté dans le cadre de cette exposition et qui nous a fait un dessin donc, de Batman avec une gargouille qui reprend une des sculptures que l'on peut retrouver à Nancy et qui est associée à la plante que l'on a jointe à Batman qui est l'hypomée blanche. Alors ça c'est assez surprenant, on n'a pas l'habitude de voir Batman avec l'hypomée blanche, ça semble un peu à du liseron. Oui, c'est une sorte de liseron et c'est vrai que souvent on demande pourquoi l'hypomée blanche alors que Batman est le chevalier noir. Eh bien, j'allais vous poser la question. Et en fait, c'est parce que tous les deux ont un mode de vie nocturne. Donc Batman est connu pour de jour être un très grand gérant d'entreprise, mais la nuit, il combat ses ennemis. Et l'hypomée blanche, elle, n'est active que la nuit. Elle fleurit la nuit pour justement attirer des pollinisateurs et se referme en journée pour éviter d'être mangée par les différents prédateurs diurnes qui pourraient être là. Donc là, c'est un exemple des associations qu'on a fait. Là, c'est pas sur un super pouvoir, parce que Batman n'a pas de super pouvoir en soi, mais sur le mode de vie du super-héros. Alors, on le connaît plus, évidemment, en rapport avec la chauve-souris. Là, on fait le rapport avec le végétal. Voilà, oui, tout à fait. Et alors, en bas de cette tour, il y a une petite fenêtre qu'on va ouvrir et à l'intérieur de laquelle, alors moi j'appelle ça des boîtes à chats, c'est mon expression à moi, parce que à travers un petit personnage, toujours Batman, reconstitué dans un son milieu à lui naturel, mais c'est un Batman un peu particulier, Cécile Bourg. Voilà, oui. Donc en fait, nous avons eu un autre artiste qui nous a aidés pour cette exposition, Stéphane Dobson, qui lui est spécialisé dans la customisation de figurines. Ça, c'est quand même un métier que je découvre. On connaît la customisation des voitures, par exemple, où on les relook. On peut dire voilà. Ça comme ça. Lui, il relook des figurines de super-héros. Voilà, il prend des figurines qu'il trouve soit en achat, soit en brocante. Et avec l'imaginaire et la connaissance qu'il a des super-héros, il recrée les personnages en leur faisant prendre les poses et les habits des super-héros. Cécile, bon, est-ce que ça veut dire qu'il faut avoir une âme d'enfant pour découvrir les super-pouvoirs des plantes? Pas forcément une âme d'enfant, mais c'est vrai que pour les super-héros, souvent, c'est des enfants, des adolescents ou, quand on a grandi, des adolescents qui sont ciblés. Après, pour les super-pouvoirs des plantes, je pense qu'aussi bien les enfants que les adultes sont capables de s'émerveiller devant la nature. Donc, c'est pas forcément réservé aux enfants, c'est réservé à toutes les personnes qui ont envie de voir quelle merveille la nature est capable de nous montrer, même si on a des fois du mal à ouvrir les yeux. Et peut-être pas à la bonne hauteur. Alors là, on a Batman, il y a d'autres personnages super-héros sur chacune des tours, avec toujours un végétal. On va s'approcher de celui-là parce qu'il m'intrigue. Alors moi, je ne les connais pas forcément, le fléau. Oui, donc le fléau, c'est un personnage qui ne fait pas partie de l'univers de Batman, parce qu'il y a deux univers distincts dans le monde des comics. Donc lui, il appartient à un autre univers. Et le fléau, en fait, c'est un personnage qui a la capacité de ne pas être arrêté. Il n'y a que son demi-frère qui est capable de l'arrêter par une attaque très particulière. Sinon, une fois qu'il est sur sa lancée, rien ne l'arrête. Et c'est pour ça qu'on l'a associé à un autre fléau, végétal cette fois, qui est le Senson du Cap. Il y a quand même un contraste entre le personnage assez effrayant et puis cette plante qui semble quand même tout à fait inoffensive. Ah, elle semble inoffensive, elle est très jolie, elle est jaune, on la voit partout, mais c'est un véritable fléau. Elle est très, très envahissante. C'est une plante qui est arrivée dans les années 1930 du Cap en Afrique du Sud, donc par accident, parce qu'elle est arrivée, ce sont des graines qui sont arrivées à partir de laine de mouton qui avait été importée en France, qui s'est très bien sentie chez nous, qui n'avait aucun prédateur, qui en plus a la capacité d'être toxique pour toutes les plantes qui sont autour, qui résistent très bien aux incendies. Et de ce fait, elle s'est mise à coloniser totalement son environnement. On retrouve ça avec beaucoup d'autres plantes. Oui, on retrouve ça un petit peu ailleurs dans l'exposition. On présente une autre plante, mais aquatique cette fois-ci, qui a aussi cette capacité, c'est la jacinthe d'eau. Et donc c'est aussi une façon de sensibiliser sur le fait que les plantes peuvent apporter aussi un certain danger pour les écosystèmes locaux. Parce que c'est vrai que si on va sur certaines autoroutes, en particulier la 31, c'est très joli, c'est jaune, mais c'est cette fameuse sonneçon du Cap qui nous suit tout au long du voyage. Alors que fait la société d'autoroute, je ne sais pas quelle est la société qui gère la 31, c'est peut-être la SANEF ou AP2R, mais voilà, on leur dira. On va changer de tour, toujours avec vous, Cécile Beau, ici au Jardin botanique Jean-Marie Pelt. Allez, on va en chercher un. Alors celui-là aussi, il est effrayant. Alors moi, j'aime beaucoup le contraste, là aussi, c'est Thor, guerrier redoutable, et sur le tableau on l'associe à la fraxinelle, cette petite plante délicate. Pourquoi? Alors c'est parce que Thor, comme vous l'avez dit, c'est un super héros très connu, il vient de la mythologie grecque, c'est le dieu de la foudre, et la fraxinelle c'est une plante qui sous ses aspects délicats est aussi capable d'invoquer la foudre. Donc on aurait tort de ne pas se méfier. Exactement, tout à fait tort. Et en fait, c'est une plante que l'on peut trouver par chez nous parce qu'elle pousse naturellement dans les Vosges. Et cette plante, en été, va faire un liquide un petit peu gluant qui, en cas de forte chaleur, va s'enflammer en faisant des petits éclairs. Et ces éclairs, on n'est pas les premiers à les avoir observés parce qu'il y a très longtemps, en médecine, on avait quelque chose qui s'appelait la théorie des signatures, où lorsqu'une plante avait un aspect d'un organe, on l'utilisait pour traiter les maladies de cet organe. Et bien, cette plante qui faisait des éclairs, elle, était utilisée pour soigner l'épilepsie. Donc, on s'est rendu compte depuis qu'elle ne soignait pas l'épilepsie, mais le parallèle déjà avait été fait par nos ancêtres. Alors, on disait tout à l'heure avec Rémi Sachs que c'était une drôle d'idée. Et en fait, plus on progresse dans cette exposition, plus je trouve ça formidable de faire ce parallèle. Parce qu'en même temps, c'est une manière de raconter finalement la botanique tout à fait originale. Il y a derrière nous, Cécile Bourg, alors là, carrément des costumes de Batman notamment, mais aussi d'autres super-héros. Ça veut dire qu'on est obligé de se costumer pour visiter cette exposition? Pas obligé, mais on s'est rendu compte que beaucoup de public... Bon, essentiellement des enfants, mais aussi des adultes. Vous m'en direz tant. Ça s'amuse donc à costumer, voire à venir en étant costumé. Et c'est vrai qu'il y a certains objets, certains masques, certains outils. Tout de suite, on parlait de Thor. On a un facsimilé du marteau de Thor qui sont tout de suite reconnus par les visiteurs et qui s'amusent et se prennent au jeu en incarnant leur super-héros préféré, tout en découvrant d'autres et les plantes qui leur sont associées. Cécile Bourg, dans cette exposition, vous avez travaillé avec trois artistes locaux, régionaux en tout cas, en lorrain. À l'instant, vous avez évoqué Manu Art, Stéphane Dobson pour la partie customisation des figurines. Et puis alors, il y a un photographe également avec lequel vous avez travaillé, qui présente ses œuvres tout à fait originales ici aussi. C'est Michael Frémiot, alias Choub. Oui, donc c'est un artiste local qui a été découvert lors d'une exposition de Lego et qui a un imaginaire, lui, de reconstitution de petites scénettes à partir de personnages Lego. Donc aussi bien des super-héros qu'on peut voir quelques Star Wars. Et c'est des personnages qui sont mis en scène entre eux de façon ludique, avec beaucoup d'humour. Totalement décalé. Je vois Batman en train d'acheter une glace. Oui, au Père Noël avec son meilleur ami, le Joker. On a aussi Catwoman qui est en train de cracher contre des chiens qui essaie de l'attraper alors qu'elle s'est réfugiée dans les branches. Donc c'est vrai qu'il y a un humour un petit peu décalé qui, au final, rejoint très bien l'humour que l'on peut retrouver dans certains comics. Et aussi chez les plantes. Il y a des plantes qui font rire, mais c'est un autre sujet. Durablement vôtre, Eric Mutchler. X-Men, c'est un groupe de personnages de super-héros, avec notamment Wolverine. Moi, je le connais parce que, tout le monde le connaît parce qu'il a ses griffes qui sortent comme ça, qui se rétractent. Mais on est quand même très surpris de le voir ici, dans une serre tropicale du jardin botanique, Rémi Saxe. Oui, puis alors, vous voyez, notre Wolverine, il n'est pas tout petit. Hein. Il nous fait 3 mètres de haut. Il est très imposant. Il n'est pas très accueillant. Hein. Non, il n'est pas sympa. Puis alors, regardez, on l'a un petit peu masqué en réalité, puisqu'on le retrouve sur son visage. Des feuilles d'aloe vera. Donc c'est toujours cette idée de rassembler le super-héros et super-plante, et lui il est associé, donc comme je vous disais, à l'aloe vera. Wolverine, lui, il a une capacité, c'est que il se prend une blessure, il prend une balle, il guérit tout de suite, il se régénère. Et l'aloe vera, c'est quand même une plante qui est bien connue aussi pour toutes ses vertus médicinales. Voilà une des grandes vertus des plantes. Des super plantes, c'est notamment la vertu médicinale. Si on ne les avait pas, on aurait quand même souvent bien du mal à se soigner. Hein. Beaucoup de médicaments contiennent des molécules de plantes. Et l'aloe vera est très connue pour ses vertus cicatrisantes. Si vous avez une coupure, moi je vous conseille de prendre de la pulpe d'aloe vera. Vous allez voir, vous allez guérir 2 fois plus vite. Toujours ce rapprochement entre les super-héros et les super-pouvoirs des végétaux, ici dans cette exposition précisément intitulée « Super-héros, super-plantes », c'est jusqu'au 22 mars au jardin botanique Jean-Marie Pelt. Finalement, les plantes, Rémi Saxe, sont infiniment plus douées, tout à l'heure on parlait de l'intelligence, plus adaptées à leur milieu que nous. Elles ont des capacités d'adaptation. Regardez, elles vivent pratiquement sur toutes les surfaces de la Terre, hein, peut-être un petit peu sur les surfaces glaciaires, elles ont plus de mal. Mais en réalité, elles vivent dans des conditions incroyables. Si on reprend l'aloe vera, lui, il est capable de vivre dans des endroits où il pleut une fois ou deux fois par an. Essayez de boire une ou deux fois par an, vous allez voir ce que ça va donner. Mais lui, il a sa capacité de s'adapter, de changer son métabolisme et de transformer notamment ses feuilles pour éviter de transpirer et stocker de l'eau. On en est encore un peu loin, nous. Quand vous avez créé et conçu cette exposition, Rémi Saxe, avec le département des publics, dont vous êtes le responsable, avec Cécile Bourg, médiatrice, vous avez dû vous amuser, non, et inventer précisément ces parallèles entre les super-héros et le pouvoir des plantes. Alors, on s'est amusé du thème, parce qu'on trouvait ça forcément très drôle. Mais en réalité, pour aller rechercher tous ces super-pouvoirs, on a dû aussi beaucoup se rechercher, aussi contacter nos collègues des collections, parce que médiateur, ça veut dire tout savoir, mais presque rien savoir. Et c'est quand même les gens qui collectionnent, qui cultivent les plantes, qui connaissent leurs vertus. Et en réalité, c'est un travail beaucoup plus collectif que simplement le travail des médiateurs. Cécile Bourbeau, qui avait collaboré à la création, de la conception de cette exposition, quel est votre personnage préféré, votre super-héros préféré, et puis quel est votre plan préféré? Un des personnages que j'aime particulièrement et que j'ai fait en sorte qu'il soit dans l'exposition, c'est Kitty Pryde, qui est une X-Men également, comme Wolverine évoqué. Et elle, sa capacité, c'est de pouvoir passer à travers toute la matière solide. Les murs, les portes de coffre-fort, rien ne lui résiste. Ça vous plaît. Et en fait, j'ai découvert les super-héros quand j'étais petite à la télé, et c'est un personnage qui m'avait beaucoup marquée à l'époque. Et c'est pour ça que je trouve ce personnage très sympathique. Et c'est vrai que la plante qui lui est associée, c'est le ficus racine. Donc on en montre un ici qui s'appelle le ficus reflexa. Et c'est une plante que l'on peut voir un petit peu partout dans le monde, dans les zones tropicales, qui envahit les temples, les vieilles pierres, d'où ce rapport avec le personnage, cette capacité de passer à travers les murs. Et en étudiant de plus près la plante et son pouvoir dans le cadre de l'exposition, c'est vrai qu'on s'est rendu compte que la plante va envahir, va passer à travers les constructions humaines. Mais on se demande si, au final, c'est pas aussi cette plante qui, du fait du maintien qu'elle a sur ses structures plurimillénaires, nous permettent de toujours pouvoir profiter de ces édifices et de ces créations que l'on trouve, donc par exemple le temple d'Angkor, serait peut-être déjà par terre si des ficus n'avaient pas assuré sa stabilité au final. Est-ce que vous ne craignez pas, Cécile Bourg, que les enfants notamment, qui, mais aussi avec leurs parents, leurs grands-parents, viennent visiter cette exposition ici au Jardin botanique Jean-Marie Pelt, c'est jusqu'au 22 mars, repartent finalement avec plus de noms de super-héros dans la tête que Les noms, il faut le dire, un peu compliqués, souvent des plantes en latin. Est-ce qu'il ne serait pas judicieux d'ailleurs de les rebaptiser ? On les retiendra peut-être un peu plus facilement. Alors, je pense qu'ils apprennent beaucoup de choses en termes de botanique parce qu'ils connaissent déjà les super-héros. Donc, ce n'est pas forcément les noms qu'ils vont retenir. En revanche, les noms botaniques, peut-être pas, mais le fait qu'il y a une plante qui ressemble à Spider-Man, à Hulk, on a beaucoup de fans de Hulk, ça va leur rester. La plante, quand ils vont la voir dans les serres, ils sauront à quoi ça ressemble. Et je pense que d'un point de vue de la mémorisation, quand ils vont repenser à leur super-héros, ils vont repenser à cette plante et ils vont repenser au pouvoir qu'a la plante. Et je pense que quand ils sortent, peut-être que sur le coup, dans les 2-3 jours après, ils vont oublier, mais il y a des choses qui vont leur rester et qui plus tard pourront ressortir et pourquoi pas créer des vocations en botanique. Comment va la nature dans le monde aujourd'hui, Cécile Bourg ou Rémi Sacks, je ne sais pas lequel des deux veut répondre, et est-ce qu'on a besoin de super-héros pour sauver la nature ? Certainement que la nature, elle est fortement en danger. On ne peut pas dire qu'on en prend beaucoup soin, on ne peut pas dire qu'on prend beaucoup soin de la planète. Donc forcément, tout le monde souffre. Alors peut-être que visiter une expo comme ça, ça ne va pas nous apprendre. On comprend bien, on n'apprend pas des éco-gestes, on n'apprend pas à la respecter. On apprend simplement à la découvrir. Et vous savez que pour protéger quelque chose, il faut le connaître. Et si nous, au Jardin Botanique, on n'aide pas aux gens à découvrir toute cette diversité et cette richesse, ça va être une façon de permettre aux gens de prendre conscience et peut-être de se sentir à protéger et à changer de comportement. En tout cas, il faut l'espérer. Combien de personnages ici et de parallèles vous avez fait de cette exposition super-héros, super-plantes, Rémi Sacks, et on repart avec voilà, combien de plantes en mémoire ? On a à peu près 35 plantes et 35 super-héros qui sont mis en parallèle. Alors évidemment, on ne peut pas tous les voir, mais allez, on va visiter encore une... Ouais, on va aller encore en voir quelques-uns, si on veut. Oui, bien sûr. Une dessert. Durablement vôtre, Eric Mutschler. Alors là, du coup, on a changé complètement de milieu, plutôt très sec, Rémi Sacks, dans cette serre, malgré tout. Et alors, surtout, face à nous, l'effrayant Hulk, ou Hulk, on peut dire les deux, je crois. Oui, on peut dire les deux, oui. Oui, il est bien là, il est très impressionnant, je crois qu'il y a là. Il fait au moins 3 mètres de haut, celui-là. Celui-là, il est très, très grand. Mais la plante auquel il est associé est pratiquement aussi grande. Hein. C'est le superbe agave qui est derrière. Et on remarque que cette plante, malgré sa vie dans un milieu aride, avec une pluie par an, elle arrive quand même, grâce à ses adaptations, à pouvoir se développer et à former une plante géante. Hein. Pendant longtemps, encore au XVIIIe siècle, l'agave était connue pour fournir la fleur la plus grande au monde. Et donc on voit quand même ce côté spectaculaire, imposant. Et puis, cette plante, elle est quand même assez magique. Hein. On consomme tous de plus en plus, notamment le sucre d'agave. On connaît aussi les fibres qui sont faites grâce au sisal, qui n'est jamais qu'un agave. Bon, je ne vous parle pas de la tequila, parce que je sais que vous n'appréciez pas ces boissons alcoolisées. Mais on fait aussi... Uniquement avec modération. Toujours avec modération. Voilà. Finalement, Rémi Sacks, vous qui êtes botaniste, vous devez être un peu blasé finalement, non, par les super-héros qui finalement, à l'issue de cette exposition que vous consacrez aux super-héros et super-plantes, finalement n'emmènent pas large quand on les compare aux super-pouvoirs des plantes. Ouais, c'est vrai qu'en réalité, on s'aperçoit que les super-héros, ils n'ont rien inventé. Hein. On se rend compte qu'en réalité, ils ont tous été chercher ça dans la nature. Le docteur Maurice Danner, biophysicien un peu sous-boulé, cherche le moyen de réveiller les forces latentes que chaque homme possède en lui. Mais une surdose accidentelle de rayons gamma, avec 5 M, bouleverse la composition chimique de son organisme. D'aucuns diraient... Hé, tonton, ça veut dire quoi, ça ? Bah, ça veut dire, en gros, quand il est contrarié, il devient tout vert, puis il peut lancer des bagnoles, tu vois. Et toi, t'es un super-héros ? Ben, je veux mon neveu. T'as quoi comme pouvoir ? Moi, par exemple, je peux... lire dans mes propres pensées, être invisible quand personne me mate, choper la crève en été, manger des danettes, vanille par quatre, reculer le temps d'une heure en hiver, déplacer les objets rien qu'en les touchant, voir au travers des murs de verre, synthétiser une odeur de pâté en rotant. Tout le monde se marre, on se moque, on me charrie, car mes super pouvoirs sont super pourris, mais c'est ainsi. Mais c'est ainsi. Pouvoir pourri. Mais c'est ainsi. C'est nul. Changer l'acier en métal, repoussera plus tard ce que je peux faire maintenant. Trouver swag de porter des sandales, prendre l'apparence d'un humain qui me ressemble vachement, faire sauter les tartines du toaster de loin, marcher sur l'eau quand elle gèle, prédire quel jour nous serons demain. Que trois deviennent morts sur les coccinelles. Tout le monde se marre, on se moque, on me charrie, car mes super pouvoirs sont super pourris, mais c'est ainsi. Mais c'est ainsi. Pouvoir pourri. Mais c'est ainsi. Piqué par une grosse araignée génétiquement modifiée, bientôt vous verrez les rejetons. Je serai le Wonder Tonton à base de base ultra secrète, de shuriken dans les sockets. Ravane à vision thermique, cocktail à la kryptonite. Des super bouffons immondes, je débarrasserai le monde. Vengeur à l'américaine, open bar chez les semaines. Je survolerai tranquillou New York en costume chelou. Hier moi j'ai fait un selfie avec Batman et l'homme fourmi. Tout le monde se marre, on se moque, on me charrie, car mes super pouvoirs sont super pourris, mais sont ainsi. Tout le monde se marre, on se moque, on me charrie, car mes super pouvoirs sont super pourris, mais sont ainsi. Mais c'est ainsi. Pouvoir pourri. Mais c'est ainsi. Pouvoir pourri. Mais c'est ainsi. Pouvoir pourri. Mais c'est ainsi. Cécile Bourg, vous êtes aujourd'hui médiatrice au Jardin botanique de Nancy, où a lieu cette exposition Super-héros, super-plantes, et c'est jusqu'au 22 mars 2020, mais vous n'avez pas toujours été. Non, à l'origine, j'étais attachée de recherche clinique, donc je travaillais dans un hôpital pour faire les études nécessaires pour qu'un médicament puisse être vendu auprès du plus large public possible. Et après quelques années, j'ai quitté cet emploi et je suis actuellement en reconversion professionnelle. Et ayant toujours eu un attrait pour le monde des musées, pour la biologie, j'ai décidé de tenter ma chance dans ce domaine. Et c'est comme ça que je suis arrivée au Jardin botanique et dans cette équipe des publics. Alors, c'est une association quand même assez singulière. Est-ce que vous savez d'où vous vient cet attrait pour les musées, la muséographie et d'autre part la biologie ? Alors oui, assez précisément en fait, parce que quand j'étais petite en primaire, nous avons eu un cycle en dehors des murs dans un musée. Et le fait de sortir de l'école pour aller dans un musée m'avait fascinée. Donc ça, c'est pour tout ce qui est l'aspect muséographie. Et pour la biologie, en fait, c'est un petit peu comme les super-héros. Ça vient de la télé, ça vient d'une émission fantastique qui s'appelait « Il était une fois la vie » et qui m'avait absolument fascinée à l'époque. Il faut donc encourager les parents, les grands-parents à emmener leurs enfants à l'exposition, pas seulement, même de manière générale, au Jardin botanique Jean-Marie Pelt. C'est un véritable défi, Cécile Bourg, que de communiquer et de mettre à disposition des collections et un ensemble comme le Jardin botanique à la portée du public. Il y a énormément d'espèces végétales, donc je crois qu'on n'aurait pas assez d'une vie pour présenter toutes les espèces qui se trouvent aussi bien dans les serres que dans les parcs. Et c'est vrai que c'est très valorisant de montrer aux gens toute cette diversité botanique qui existe. Rémi Sachs, vous êtes le responsable du développement des publics avec un parcours très différent. Oui, moi j'ai un parcours qui a toujours été autour du végétal. Moi j'ai fait une formation de paysagiste, parce que voilà, dès le départ, j'aimais traîner dans le jardin de mes parents, j'aimais traîner à jardiner avec mes grands-pères et avec mon papa. Donc ça, je pense que ça a toujours été marqué en moi. Toujours être dans le jardin, voilà, ça c'est vraiment quelque chose qui est en moi. Tout naturellement, peut-être, ou un peu par hasard aussi, mais je suis arrivé au jardin botanique. Je ne vous dis pas le nombre d'années, parce que j'ai essayé de garder un peu de dignité. Mais ça fait longtemps que je suis là. Je suis arrivé comme jardinier. Vous ne craignez pas de prendre racine, Rémi Saxe ? Si, forcément. Dans un endroit comme ça, c'est le risque. Tomber amoureux de son endroit où on travaille, l'aimer, je pense que ça peut être un risque, oui. Ouais, parce que ça peut faire souffrir à certains moments. Trop s'engager. Et donc après, de jardinier, j'ai voulu transmettre les choses. Je suis devenu médiateur et voilà le chemin. L'invité de Durablement Vôtre, coup de gueule ou coup de cœur ? Au jardin botanique Jean-Marie Pelt de Nancy, où nous sommes aujourd'hui pour l'exposition Super-héros et Super-plantes. Pour cette dernière séquence coup de cœur, coup de gueule, eh bien on va laisser la parole à Léna Pavlik, parce qu'elle est stagiaire ici au jardin botanique de l'école française des attachés de presse à Lille. Et puis qu'elle passait par là et on s'est dit, tiens, on va lui demander son avis. Léna Pavlik, plutôt coup de cœur ou plutôt coup de gueule ? Alors plutôt coup de gueule cette semaine, oui. Alors, plutôt coup de gueule parce que, encore ce week-end, je me suis rendue donc, dans un fast-food qui s'appelle Burger King. Et, pour ne pas le nommer. Et je me suis rendue compte un peu de l'hypocrisie donc, de certaines anciennes par rapport à l'écologie, à leur message écologique. Donc oui, c'est bien, on a enlevé les pailles, on a enlevé les gobelets en plastique, mais on voit encore, malheureusement, des bouteilles dans leur frigo, donc des bouteilles en plastique d'eau, mais on voit aussi leurs gobelets de café qui sont en plastique. Donc je pense que c'est important de faire une bonne action, mais d'avoir d'autres actions aussi qui suivent derrière, parce que un message, c'est pas simplement une phrase qui commence par une majuscule et qui finit par un point. Il y a des valeurs derrière et un sentiment écologique qu'on aimerait défendre. Et donc, je pense qu'une ancienne, quand elle prononce ce genre de phrase, donc oui, Burger King, on est pour l'écologie, on est à fond dans l'écologie, dans leurs anciennes, je pense qu'il est important d'avoir les valeurs derrière et donc de s'engager vraiment à fond. Et c'est vous qui dites ça, Léna Pavlik, vous qui êtes dans une école de communication, donc c'est précisément le métier que de nous vendre des slogans qui sont parfois creux et sans consistance et en tout cas sans valeur. Ça veut dire que les choses sont peut-être en train de changer dans votre génération. Vous êtes en deuxième année à l'école française des attachés de presse. Ou est-ce que c'est vous, personnellement, qui portez ce regard sur la communication et l'écologie ? Alors je pense que déjà, en tant que jeune étudiante de 21 ans, je pense que c'est d'abord ma génération, parce qu'on le voit avec des porte-paroles comme Greta Thunberg ou tous les mouvements pour l'écologie qui ont émergé cette année et encore il y a quelques années aussi, mais c'est vraiment quelque chose qui serait plus propre à ma génération. Et je pense que du coup, dans tous nos domaines où, qui peuvent avoir un impact écologique, on devrait agir et donc prendre conscience. Et je sais que, par exemple, dans ma classe, j'ai plusieurs personnes qui sont également porteurs de ce genre de messages et je pense que ça serait vraiment un axe sur lequel on devrait... un axe qu'on devrait exploiter plutôt dans les domaines de la communication, parce que c'est vrai que rien que si on regarde par rapport aux flyers, à tous les objets de communication qui sont distribués, ça pollue énormément. Et c'est justement là-dessus qu'on pourrait jouer. Je pense qu'on a tous un rôle à jouer, et si chaque personne dans son métier, dans sa vie de tous les jours peut interagir avec l'écologie et être porteur des valeurs écologiques, ça serait intéressant et on pourrait peut-être arriver à quelque chose. Et vous qui parlez de valeurs, écologie et communication n'ont pas toujours et peut-être toujours pas encore fait bon ménage. Mmh. Où le milieu militant, notamment des écologistes, pour ne pas parler des écologues qui sont plutôt les scientifiques, mais en tout cas les mouvements militants, ont pendant très longtemps manifesté un franc rejet de la communication alors que c'est une science. Comment vous expliquez ce phénomène, Léna Pavlik ? Donc c'est vrai qu'en tant que communicant, on est plus là pour répondre à la demande du client, donc à la recherche du profit. Et c'est vrai que ce profit, il ne va pas vraiment dans le sens de l'écologie. Mais donc ça serait plus les communicants, je dirais, de l'ancienne génération. Enfin, j'espère en tout cas. Mais maintenant, on voit de plus en plus, rien que par rapport aux mairies, on n'a pas droit d'imprimer des flyers non recyclables ou toutes ces choses. Et je pense que avec l'effort de chacun, l'effort des mairies, de nous communicants et des entreprises aussi, parce qu'il y a beaucoup d'entreprises qui font des pas vers l'environnement, ben je pense qu'en s'alliant tous ensemble, on peut réussir à faire chacun notre travail correctement, tout en respectant l'environnement. Mais alors, vous qui êtes précisément dans une école, et vous venez de l'expliquer, dont les clients sont plutôt intéressés par le profit, ici, au Jardin Botanique, c'est pas trop la philosophie de la maison, le non, profit. Léna Pavlik, qu'est-ce qui vous a amené à faire votre stage ici, au Jardin Botanique de Nancy ? Alors, pour vous dire la vérité, au début, c'est vraiment par tout hasard. Ne me dites pas que vous avez eu de la lumière. Non, c'est vraiment par tout hasard, parce que sur l'île, j'ai eu des difficultés à trouver. Et j'ai vu cette offre, justement, de stagiaire au Jardin Botanique en communication. Donc, je me suis dit, d'abord, étant sensible à ce mouvement écologique et à l'environnement, ça me permettrait de plus me sensibiliser à ça aussi, d'avoir plus de connaissances sur l'environnement, sur toutes les plantes, les arbres. J'en ai appris énormément tous les soirs quand je rentre chez moi. Je raconte à ma mère qu'est-ce que j'ai appris encore sur telle plante, sur leurs moyens de se reproduire et tout ça. Mais en même temps, je touche à plein de domaines de la communication. Je fais des relations presse, donc j'envoie des communiqués. Je fais aussi des posts sur les réseaux. J'assiste à des interviews et j'y participe. Donc voilà, je fais plein de choses et ça me permet aussi d'avoir un impact sur la société, je pense. Parce qu'après, ce que j'ai appris là, j'espère pouvoir le transmettre à mon petit frère, à des personnes de ma famille ou à mes amis autour de moi. Et je pense que c'est aussi comme ça qu'on peut agir. Et qu'est-ce qu'un jardin botanique, un établissement comme le Jardin Botanique Jean-Marie Pelt ici à Nancy, peut être en droit d'attendre ou qu'est-ce que vous pouvez apporter en termes de communication à un établissement comme celui-ci d'Ena Public ? Alors, dans un établissement comme celui-ci, je pense que je peux apporter un peu de modernité et de nouveauté dans la communication. Parce que c'est vrai que toutes les personnes qui travaillent ici, c'est vraiment, en général, c'est des botanistes ou des personnes qui sont vraiment touchées par la nature. Et moi, j'ai un regard un peu plus... J'ai un peu plus de distance avec tout ça. Et du coup, de par ma formation, je peux apporter, et étant aussi une jeune fille de 21 ans, je peux apporter de la modernité, un peu de nouveauté, tout en retransmettant les valeurs et en parlant de plantes, en fait. Est-ce que finalement, le défi n'est pas là arriver à transmettre les valeurs de l'écologie en se servant précisément de la communication? Ah si, c'est un véritable défi. D'abord parce que tous les moyens dont on dispose pour faire de la communication, en général, ils sont un peu à l'opposé de l'environnement. Ils ont toujours un impact négatif sur l'environnement. Et je pense que c'est vraiment quelque chose sur lequel on devrait réfléchir. Des ingénieurs aussi pourraient y réfléchir, à trouver des moyens un peu plus écolos pour faire une bonne communication. Voilà pour ce reportage sur l'exposition intitulée « Super héros, super plantes » qui se tient au Jardin botanique Jean-Marie Pelt à Villers-les-Nancy jusqu'au 22 mars 2020. Avec Cécile Bourg, médiatrice, Rémi Sachs, responsable du département des publics au Jardin botanique, et Léna Pavlik, étudiante à l'EFAP Lille, école des nouveaux métiers de la communication, en stage au Jardin. Pour en savoir plus sur cette exposition, venir la voir seule, en famille ou avec qui vous voulez, et d'une manière générale découvrir le Jardin botanique et ses nombreuses activités, rendez-vous sur jardinbotaniquedenancy.eu. Vous avez pu écouter Dans l'ordre, le pouvoir des fleurs par Laurent Goulzy, un extrait du Cœur des esclaves tiré de l'opéra Nabucco de Giuseppe Verdi, interprété ici par l'orchestre de la Scala de Milan sous la direction de Riccardo Muti. Et enfin, Les super pouvoirs pourris par Aldebert. Merci à Véronique Olivier, à la réalisation. Vous pouvez réécouter cette émission de la semaine qui suit sa première diffusion sur le site www.durablementvotre.fr.